C'est le rap qui m'a mis au turbin. Je n'ai plus de dédain face à ma longue envie de choisir mon destin. Envie d'apprendre les ratures ne me font plus peur. J'oublie ce que m'ont fait subir toutes ces années, tous ces instituteurs. 17 piges, j'ouvre un livre et m'aperçois que les mots ont plus d'un sens et me donnent confiance en moi. Je suis capable, ma petite mère, de banlieusard, de poser des 16, je deviens puissant et plus le poissard. 19 piges, je prends mes études en cours du soir. Les miens bêtards en bas du bloc racontant des histoires. Ouais, ça racave sur moi, je sais. Beaucoup pensent que je vais me planter. Les gros aimeraient que je revienne les aider à tenir ce mur. Mais moi, je ne vois que mes études, mon rap. Déjà rien à foutre des couvertures. Je fais ça pour le kiff. Et si ça marche, c'est cool. Je ne ferai rien pour rameuter la foule. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. Tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. La la la la la la la la. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. Tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. Oh nana, oh nana. On m'avait dit perdu. Pour cette société, dès le CP, on m'a envoyé au CMPP. Si piche, je me retrouve là qu'avec des grands, des narvalos sortant de prison avec ses futurs délinquants. Ma scolarité, un échec cuisant. Comme beaucoup, je fus libéré dès l'âge de 16 ans, pensant que la rue était la seule à me comprendre, qu'on était tous ces mondants, qu'elle pouvait nous confondre. J'ai vu des choses et fait des choses de taille, mais tu ne m'entendras jamais prononcer le mot racaille. On était que des petits morts en train de se faire chier. Ouais, j'ai pu grave, ouais, j'ai toujours avoué, ouais, j'ai été effrayé à nous sauver pour des matchs qu'on n'avait pas fait. Des fois, on n'avait rien à foutre là, on se faisait serrer, mais. Tu sais, je ne regrette rien, c'est ce qui m'a fait, ce qui a dessiné mon chemin. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. Tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. La la la la la la la la. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. Tcha tcha tcha tcha tcha tcha tcha. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard. Oh nana, oh nana. Au pays du francesé. Le français, mais t'inquiète pas pour moi, j'ai toujours su me placer. L'adolescence de beaucoup, j'ai vu la mort trop tôt. Trop de rafales de coups, j'ai vu la drogue rendre riche et tuer. J'ai vu des bons hommes tristes et pleurer. J'ai vu des mères crier, accrochées à leurs fils qu'on emmenait entre deux condés. Mais j'ai vu aussi cette richesse de vie, l'amour des siens et ici, merde. Putain, ce que l'on rit comme un rien peut nous rendre heureux. Comme la réussite d'un des nôtres est un putain de moment fabuleux. Si tu savais avec un ballon tout ce qu'on sait faire. Si tu savais toutes les stratégies qu'on a pour ouvrir nos pierres. Et personne ne pourra jamais effacer les miens, mon quartier, Val de Fontenay. C'est juste l'histoire d'un petit banlieusard.